Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview d'Alex Adargent, auteur, metteur en scène et directeur de la troupe Spleen Théâtre de Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir sur Radio RGB 99.2 FM. Et ce soir, nous avons en studio Alex Adargent. Bonsoir Alex. Bonsoir Philippe. Alex Adargent, on a souhaité t'inviter parce que d'abord tu es responsable d'une compagnie théâtre qui n'est pas très loin d'ici, c'est à Conflans-Sainte-Honorine, voilà. Que la compagnie est implantée. Spleen Théâtre, c'est ça? Tout à fait. Qui existe depuis 2014? Oui, exactement. Vous avez commencé votre histoire à deux ou trois, je crois, hein. pas très nombreux. Au départ, oui, alors, enfin, si on était nombreux, mais disons que de cette époque-là, il y a plus que deux ou trois personnes qui sont encore dans la compagnie aujourd'hui. Mais on est quand même une vingtaine au total dans la compagnie maintenant. Mais le petit noyau se résume à 3-4 personnes, ouais, qui étaient là au démarrage et qui sont encore là aujourd'hui. Eh ben, formidable. C'est toujours une belle aventure, la naissance d'une compagnie de théâtre. Alors, ce soir, tu es là parce que vous allez présenter pour la première fois les 11, 12, 13 octobre prochains au Théâtre Blanche de Castille à Poissy une pièce de théâtre qui s'appelle Osiris et dont ici, je vais donner le synopsis. Ça va tout de suite nous mettre dans l'ambiance et puis on va ensuite un petit peu parler et de toi, de toute ton expérience théâtrale et puis bien sûr de ce spectacle. Donc, Osiris, je lis, c'est l'histoire d'une jeune femme athée qui, dans un pays déchiré par la religion, décide de devenir croyante pour donner un sens à sa vie. Nous suivons son parcours depuis sa conversion jusqu'à sa radicalisation. Le spectacle aborde aussi le thème de l'exil et de la migration internationale à travers deux autres personnages. Waouh. C'est dense, oui. et alors là, du coup, moi j'ai 1000 questions, mais évidemment la première, c'est... pourquoi s'attaquer à ce sujet-là? Par naïveté, j'ai envie de répondre, parce que c'est vraiment le point de départ de cette réflexion, c'est-à-dire que je me suis posé un jour et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la religion est quelque chose qui divise au lieu d'être quelque chose qui rassemble, étant donné que la foi en Dieu, ça devrait être un moment d'amour et de partage entre les peuples, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui nous divise? Donc c'est une question toute bête, je pense qu'un enfant pourrait poser, et la réponse en revanche est loin d'être évidente, puisqu'en fait on se rend compte, quand on creuse un tout petit peu, que au-delà des facteurs religieux, il y a des facteurs politiques qui entrent en ligne de compte, et que c'est ça qui fait que les peuples se divisent, et donc la religion n'est plus du domaine de l'intime. Une division, ouais, n'est plus du domaine de l'intime et rentre dans quelque chose de public qui va servir de prétexte à faire la guerre. Ouais, tu le dis toi-même dans ta note d'intention, j'ai essayé de lire un peu les documents que tu nous as passés, la religion n'est finalement pas tant du domaine de la sphère privée, c'est un phénomène culturel qui, au même titre que les autres, facilite l'instrumentalisation du peuple par les élites et la reproduction des rapports de domination. Waouh. Ce que j'ai trouvé assez formidable dans ce que j'ai pu lire, puisque je n'ai pas encore eu la chance de voir la pièce, on va y aller, et il faut y aller, mais ce que j'ai compris, c'est que tu avais fait un gros travail de documentation. Oui. Au départ, la question est simple, mais du coup, tu t'es retrouvé à être obligé de parcourir un certain nombre de bouquins, un certain nombre de sans doute, de documents divers et variés pour arriver à extraire et à écrire ta pièce, puisque tu en es l'auteur. Oui, parce que déjà je savais pas du tout sous quelle forme ça allait se raconter. Je savais qu'il fallait que je trouve un décalage pour pas que ça nous impacte trop de plein fouet. Je savais pas encore la forme que ça allait prendre. Et puis il y a eu cette idée du mythe égyptien d'Isis et d'Osiris qui en fait m'a ouvert la voie à une histoire. Et après, la documentation que j'ai faite par rapport à ça, ça a surtout été donc sur les processus migratoires, comment ça se passe quand on quitte un pays en guerre, par quelles étapes on passe, les étapes du parcours, la traversée de la Méditerranée, tout ça. Donc je suis allé voir un petit peu des témoignages sur Internet, aussi des témoignages de personnes qui se retrouvaient en France sur voilà comment ça se passe pour obtenir des papiers. Je suis allé voir un petit peu tout ça, et puis en mixant un petit peu tout ça, je suis arrivé à une histoire qui me plaisait bien et que j'ai eu envie d'écrire et de raconter. Oui, alors du coup, ça fait une bonne transition. Il faudrait que tu nous présentes un peu l'intrigue et les personnages. Il y a la fameuse Dalida. Dalila, qui justement va avoir envie d'embrasser une nouvelle religion, puis petit à petit, elle va, je veux dire, être complètement adoptée par cette religion. Elle va donc quelque part se radicaliser et avoir envie même d'en faire un instrument politique. On retrouve bien ton idée de départ. Mais voilà, quels sont les quatre personnages de la pièce principaux, et puis qu'est-ce qui se passe finalement dans cette pièce, sans aller jusqu'au bout bien sûr, parce qu'il faut garder du suspense. Alors il y a d'abord une fratrie de trois personnages, voilà. Donc Dalila la plus jeune, son frère Seth et sa sœur Isis. Donc ils sont trois, leurs parents sont morts et ils ont un autre frère Osama qui lui a disparu. Ouais. Et donc ils vivent tous les trois, ils sont athées, donc dans un pays déchiré par une guerre de religion, et voilà, ils ont leur petit équilibre qui est fait de magouilles diverses et de processus de survie. Et là-dedans, on a un quatrième personnage qui apparaît, qui est un écrivain français qui était en quête de sensations fortes et qui voulait écrire un nouveau roman, et donc qui a débarqué dans le pays et qui, de fil en aiguille, est devenu l'amant de la grande sœur Isis. Donc cet écrivain s'appelle Marc, et donc il vient dans cette famille pour écrire son histoire. Et donc en fait, ces quatre personnages vont coexister, donc au moment même où la plus jeune des sœurs, Dalila, devient croyante. Et donc on assiste à un phénomène qui est assez étrange, c'est-à-dire que les trois vont projeter leurs fantasmes et leurs peurs sur le quatrième personnage, donc celui de Marc, et vont évoluer en fait au sein de cette famille. La radicalisation, elle se fait quand même de manière assez rapide, donc c'est ça qui est assez étonnant. J'y pensais l'autre jour et je me dis en fait, c'est pas tant la religion qui fait que Dalila va se radicaliser, c'est vraiment le moment. Donc il y a une rupture avec sa famille, je vais pas donner les raisons, mais il y a une rupture avec sa famille qui fait que d'un coup elle se sent seule, elle se retrouve seule, et c'est à partir de là qu'elle se radicalise, et les choses se font finalement assez rapidement. Elle a besoin de trouver un sens. Oui, alors ça dès le départ, elle cherche un sens dans la religion, mais au départ elle est, j'ai envie de dire, elle est simplement un peu perchée, quoi, comme n'importe quelle personne qui pourrait, avoir une religion ou des croyances diverses, peu importe. Et bon, elle a rien de particulièrement radical au départ. En fait, ce qui fait qu'elle va se radicaliser, c'est pas sa croyance de départ, c'est vraiment le fait qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus aucune attache concrète, aucune attache physique au sein de sa famille qui puisse la maintenir sur Terre. Ça, c'est un des éléments qu'on retrouve dans des témoignages concernant des gens qui sont passés par cette phase-là, c'est-à-dire que ils ont été d'autant plus facilement attirés, entre guillemets, par la radicalisation qu'ils n'avaient plus de lien ou plus de raison d'avoir de lien avec leur famille. Oui, et ça c'est quelque chose aussi que je trouve assez intéressant, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est que en fait on est dans un pays qui quand même fait en sorte de parquet, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y a quand même une certaine forme de communautarisme qui fait que les gens vivent entre eux. Et je pense qu'à partir du moment où on n'a pas vraiment d'attache dans la société dans laquelle on vit, et ben c'est là qu'on peut se radicaliser. Et c'est un phénomène très fort avec l'islam, puisque voilà, on sait que énormément de personnes qui sont musulmans vivent encore dans des cités, font encore partie d'un milieu social plutôt ouvrier. C'est rare, je pense, de tomber sur des personnes radicalisées qui soient issues de la haute bourgeoisie. Je sais pas s'il y a des contre-exemples, mais en tout cas, moi, j'en ai pas. Ce qui est assez flagrant, c'est de voir que ces personnes-là sont en général issues de villes plutôt pauvres. Je pense à ces épisodes qui avaient été diffusés sur France Culture, Ma fille sous influence, ouais. Où en fait, ça racontait l'histoire d'une femme. Les pieds sur terre. Oui, c'est ça. Les pieds sur terre, et ils habitaient à Trappes, quoi. Donc c'est quand même assez symptomatique aussi de... Ce qui voudrait dire aussi, sans généraliser, que souvent, les personnes qui sont appelées à être radicalisées, elles sont aussi facilement influençables, finalement. Parce qu'intellectuellement, elles ont peu de défense, peu d'argumentation, peu de moyens de contredire, ou en tout cas de critiquer éventuellement ce qu'on leur propose. Oui. Tout à fait. On est rentré vraiment dans le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Restons un peu dans la pièce de théâtre. Moi, j'aimerais savoir aussi, prenons un peu d'oxygène, comment ça s'est passé à partir du moment où tu as écrit ton texte, que tu as commencé à le voir vivre à travers les répétitions des différents acteurs. On va les saluer tout à l'heure, on va les nommer. Comment eux ont ressenti le fait de rentrer dans la peau de ces personnages-là? Pour tous, je pense que ça a été un petit peu différent. Ouais. En fait, il faut savoir que le texte, au départ, je l'avais écrit pour des comédiens. Alors, il s'avère que les différents aléas de la vie ont fait que ce sont pas forcément eux qui ont les rôles aujourd'hui, hormis Mariette. Donc, le rôle de Dalila avait vraiment été écrit pour elle, voilà. Mariette-Jules. Ouais. Et comment elle vit le fait de se mettre dans la peau de Dalila, je sais pas vraiment. Mais c'est elle qui pourrait nous le dire. Hein. Oui, mais en même temps, je pense que le metteur en scène doit aussi sentir si elle rentre bien dans la peau du personnage. Et voilà, elle t'a pas fait de retour par rapport à ça. Il y a eu une peur qui a été un peu générale au sein de l'équipe, qui a été autour de ce thème-là. Comment on va pouvoir aborder ce thème-là sans être dans quelque chose qui soit de l'ordre du blasphème pour les religions? Ça, c'est une question qu'on s'est posée. Et oui, bien sûr. Et on se l'est posé même encore assez dernièrement, parce qu'en fait, on n'a pas non plus envie. Enfin, on n'est pas là pour être irrespectueux des gens qui ont des croyances. On est là pour s'interroger sur ces croyances et sur ce qu'elles nous apportent dans notre vie quotidienne. Et la frontière entre les deux est quand même assez mince. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu présentes la troupe comme une troupe ayant des objectifs de débat citoyen. Et c'est bien dans ce registre-là que vous vous inscrivez. Oui, disons que je pense que le théâtre est plus intéressant quand il est un moyen d'arriver à quelque chose que comme il est une fin, quand il est une fin en soi. Faire du théâtre pour le théâtre, oui, ça peut être intéressant, mais à part nous-mêmes, finalement, ça va pas questionner grand monde, alors que si on s'en sert pour poser des questions, pour essayer d'ouvrir un débat, non seulement ça sera fait plaisir nous en tant qu'artisans du spectacle, et en plus peut-être qu'on aura généré au sein des spectateurs une envie de réfléchir sur une thématique donnée. Et ça te paraît un super projet. Mmh. On va faire une pause musicale avant de poursuivre notre interview avec Alexa D'Argent. Voilà, on y va. On est parti pour ACDC, je crois. Living free, she's a taking on a wild ride, asking nothing. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir sur Radio RGB 99.2 FM. Ce soir, on accueille Alex Adargent, responsable pardon, du Spleen Théâtre de Conflans-Sainte-Honorine, et on parle de leur pièce qui va bientôt être présentée à Poissy, Osiris. Et justement, on vient d'écouter Highway to Hell, donc l'autoroute vers l'enfer, ACDC. Et je crois que cette musique, elle a un rôle particulier dans le spectacle, dans la pièce. Oui, en fait, c'est la musique qui démarre le spectacle, parce qu'on commence sur quelque chose de très festif comme ça. Et donc, je la trouvais intéressante pour ce qu'elle racontait et puis pour l'énergie qu'elle donnait sur un début de représentation. Alors, quand j'ai vu que tu m'avais passé la musique de ACDC, je me suis dit, mais on a un chien, on est dans la mort, quoi. Et Osiris, c'est quand même une histoire de mort, si on remonte au mythe ouais. ancien. Alors du coup, ça m'a fait penser à deux choses. D'une part, alors ça c'est un peu ton histoire à toi, mais les autres créations que tu as fait avant ce spectacle-là, tu t'es souvent inspiré des mythes anciens. Comment ça s'est transformé en tremplin? Pourquoi les mythes anciens? Après tout, mais c'est vrai que l'histoire se recommence sans fin. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, et puis alors au départ, c'est parce que j'avais vraiment besoin d'un appui d'écriture, parce que il y a parfois ce syndrome de la page blanche, et puis moi je savais pas exactement ce que j'avais encore envie de raconter, donc le fait de pouvoir utiliser des mythes, ça me permettait d'avoir un support à partir duquel travailler, et là où c'est intéressant, c'est que Osiris, c'est vraiment le premier spectacle que j'ai écrit du début à la fin, ce qui veut dire qu'il y a aucune phrase, il y a quelques petites citations par-ci par-là, mais sinon il n'y a aucune réplique qui soit pas de moi. Et en fait, je me rends compte qu'au fil du temps, le mythe devient, c'est comme un enfant qui ferait du vélo sans les petits trous, quoi. Au bout d'un moment, il arrive à plus les utiliser et puis il le remarque même pas. Et là, finalement, c'était une toile de fond, mais je m'y référais de moins en moins au moment de l'écriture. Donc d'abord, ça a été vraiment l'idée d'un support. Et puis oui, l'idée de se dire que les histoires qui étaient valables à une certaine époque le sont encore aujourd'hui, parce qu'elles nous parlent de choses qui finalement sont universelles. Ouais. Hors antenne, on discutait un peu sur le spectacle et tu nous faisais part du fait aussi que ce spectacle concernant donc la radicalisation, le spectacle était un peu inspiré aussi par ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment en Syrie. Et c'est vrai que on a invité d'autres personnes autour du thème de la Syrie dans nos émissions. C'est vrai que la radicalisation, souvent, l'aboutissement, c'est la mort. Oui. Oui, bah la Syrie, ça a été vraiment le point de départ aussi de l'écriture, puisque j'ai commencé à l'écrire au moment où Alep était bombardé en 2016. Ouais. Donc le pays n'est pas en lui-même cité dans le spectacle, parce que je pensais que ça participait aussi de ce décalage de ne pas le nommer. Il y a d'autres pays où on est radicalisé, c'est clair. Oui. Et puis du coup, ça permet de se projeter vraiment dans un... Quand je disais c'est la mort, je pensais pas à la guerre en tant que telle, mais je pensais au fait que les gens qui sont dans la radicalisation, souvent, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que souvent, l'issue qu'on leur propose, c'est d'aller jusqu'au bout dans leur engagement religieux et politique, et du coup, à un moment donné, c'est pour sauver votre vie, il faut tuer d'autres gens, et dans la plupart des cas, vous risquez de mourir. Oui, parce que je pense que il y a aussi une forme de lâcheté dans le fait d'abandonner avant la fin. Donc, je pense que oui, quand on est dans ce processus de radicalisation, et c'est d'ailleurs une question que se pose Dalila à un moment dans le spectacle, c'est est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout, et est-ce qu'il faut qu'elle abandonne avant ou pas. Et il y a plein d'allers-retours qui sont faits, parce qu'elle ne sait pas quelle réponse elle va donner à cette question. Donc elle en tout cas, y voit une forme de lâcheté dans le fait de ne pas assumer son rôle jusqu'au bout. Ouais, là, c'est tout à fait l'impression de lâcheté est tout à fait le résultat d'un conditionnement intellectuel ou religieux qui fait que si on ne va pas jusqu'au bout de sa mission, on est traité de lâche entre guillemets, quoi. Oui. Ouais. Les autres acteurs, allons-y, on va les nommer. Parce que je crois qu'il y a eu un changement en plus. Oui, tout à fait. Donc Rémi Grosset, Émeric Poitevin, Mariette Jules et Clémence Véronne sont les quatre acteurs qui composent la distribution. D'accord. Clémence joue quel rôle ? Clémence joue le rôle d'Isis, donc la grande sœur. Émeric, ouais, qui l'interprète Seth, le frère. Mariette donc joue Dalila et Rémi jouera Marc, le fameux amant. D'accord. Tout à l'heure, tu évoquais, avant notre pause musicale, le fait que, bien sûr, dans ce spectacle, votre objectif, c'est de ne froisser personne, finalement, mais plutôt de provoquer la discussion et la réflexion autour de ce sujet, ce qui est déjà un beau challenge, il faut le dire, oui. Et bravo. Après, je crois que tu m'avais dit que vous aviez même essayé d'inviter les représentants de différentes religions à venir éventuellement... avant, après, dans un autre cadre, mais lié au spectacle, parler de leur religion et éventuellement, pourquoi pas, de la manière dont, dans certains cas, malheureusement, ça peut aboutir à la radicalisation. Et les réponses ont été des évitements. On n'a pas voulu venir, en fait. Pour l'instant, oui. Donc, pour la religion musulmane, pour l'instant, j'ai eu aucun retour. Pour la religion juive, pour l'instant, ça a été un refus. Et pour la religion catholique, qui sont donc les trois que j'ai invités, il y a un peut-être, mais qui a un peut-être avec énormément de pincettes et qui va dépendre d'énormément de facteurs. Donc là, ils sont en train de lire le texte, donc ils vont aussi vouloir certainement assister à des répétitions. Donc voilà, tout ça est extrêmement cadré quand même. C'est super intéressant si effectivement des représentants entre guillemets de différents mouvements religieux acceptent de venir aux répétitions. Je trouve ça vachement bien, quoi. Déjà, un beau travail de relation et de questionnement. Oui, parce qu'ils ont tout un travail à faire, en fait, que ça soit les musulmans, les catholiques, et, voilà. C'est de... Justement, de... On ne les a pas tellement entendus, en fait. C'est-à-dire que une espèce d'omerta... on sait bien que les radicaux, les radicalistes sont issus de certaines obédiences, les salafistes, ou voilà. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi les gens qui croient et qui ont le droit de croire et qui ont besoin de croire ne parlent... ne s'oppose pas ou ne critique pas l'attitude de certains. Donc ouais, c'est... Il y a une espèce de théorie, de terrorisme, ouais, aussi intellectuel. Hein, ouais. On fait peur aux gens. Voilà. Mais bon, je ne veux pas généraliser parce que je pense que c'est très différent d'une religion à l'autre, évidemment. Et puis, il y a autre chose, je pense, c'est qu'on est dans un pays qui se prétend laïque et que ça doit être aussi très difficile en France, j'imagine, en tant que représentant religieux, de tenir un discours politique, parce que tout ce qui concerne la radicalisation, finalement, c'est dans le domaine du politique. Et ouais, je pense que c'est quand même une vraie difficulté de s'engager par rapport à ça, de donner peut-être une ligne de conduite par rapport à ça. C'est pas forcément évident. D'où la bonne idée de passer par le théâtre. Voilà. Oui, j'espère que ce sera une bonne idée. Bravo. Ouais, c'est sûr que ça va être une bonne idée. Moi, j'aimerais savoir aussi, vous appréhendez pas un petit peu la réaction du public ? Si, complètement. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je l'appréhende complètement. Non pas que j'en ai peur, au contraire, je suis assez curieux et j'ai hâte de découvrir quelles seront leurs réactions. Le public et les critiques éventuellement, parce que oui, voilà, il y aura peut-être quelqu'un de la presse dans la salle et ce serait tant mieux. Ouais, c'est vraiment de la curiosité que j'éprouve à l'heure actuelle, parce que il y a aussi énormément de moments dans le spectacle qui sont très drôles. Donc, en fait, je me dis que si on se laisse porter par l'histoire et qu'on est dans cette découverte scène par scène de ce qui se passe, peut-être qu'il y a des moments où les gens vont rire ou ça va les émouvoir. En fait, j'ai envie de voir tout ça. J'ai envie de voir si le spectacle va générer des émotions ou pas, quelles qu'elles soient. Donc, peut-être que ça va être de la haine ou de la colère vis-à-vis de certains passages du spectacle. Mais j'ai surtout envie de voir si les émotions qu'on avait envie de transmettre arrive à passer la rampe. Waouh! Eh bien, écoutez, on va proposer aux auditeurs d'aller voir cette pièce parce que Je pense qu'elle est très originale par son sujet. Elle est forcément originale aussi par son écriture. Moi, j'en ai lu quelques extraits et voilà, c'est notre invité d'aujourd'hui. Il a une vraie plume aussi, il faut le dire. Et donc, vous êtes invité à aller écouter, voir et discuter, pourquoi pas, avec toute l'équipe du Spleen Théâtre. Les représentations auront lieu les 11, 12, 13 octobre prochains au Théâtre Blanche de Castille à Poissy. Le vendredi et le samedi, c'est à 20h30. Et le dimanche, c'est à 15h en matinée, comme on dit, dans la profession. Et puis, si vous voulez faire un contact, si vous voulez prendre un contact par Internet, on va vous proposer le site de la compagnie. Je vais laisser Alex nous le donner. Oui, donc c'est spleentheatre.com, spleen théâtre tout attaché, théâtre sans accent, et le spleen comme le spleen de Baudelaire, SPLEEN. Merci beaucoup Alex, et bonsoir à tous. Merci à toi. Bien, merci Philippe, merci Fabienne. Mais voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Marine et de Sarcelles, et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Alex Adargent, auteur et metteur en scène, d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette seconde émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 4 novembre à 19h sur les ondes de Radio RGB 99.2 FM. Écoutez, il n'y a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'inimaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.